ça, il faut pas jouer que ça pendant des heures. Sinon c'est pas, sinon c'est, sinon ça ennuie. Voilà. Après il faut commencer par faire un renversement. C'est-à-dire que tu vas doubler le G et tu commences une boucle qui fait G A au lieu de A G. Est-ce que tu connais les modes? Tu peux faire les renversements quand tu veux et les changements de tonalité aussi vers le mi. Donc un renversement possible, changement de tonalité en mi. Tu vois, j'ai l'impression, j'adore comment tu joues, mais j'ai l'impression que c'est une boucle. Que c'est un sampleur. Tu vois? Il faut que tu changes souvent. Sinon, moi je fais assez. Ouais, ou changer simplement comme tu le fais là de rythmique, sinon. Ouais, ça pose pas de problème, hein, Ninja. Tu changes quand tu veux, moi je te suis. De jouer sur la même chose, tu peux changer, on va te suivre, y a pas de problème. Joue, content. Ouais, y a bon bassiste là. À 3 c'est plus difficile, mais à 2 ça marche très bien. Moi je passe pas une heure sur deux accords, hein, c'est pas possible. Enfin, je veux dire, au bout de 5 minutes, j'arrête, moi. Ouais, mais ça fonctionne quand même. Bon, écoute, regarde, on va jouer avec Benjamin un peu, on va te montrer. Benjamin, je propose que ce soit nous qui te suivons. Continue ton riff de basse. Laisse filer. Continue. Alors faut que tu commences sur le 1 quand même. Sur le début de la boucle. 3, 2, 1. Ok. Juste retomber sur le 1. Et après, tout le reste c'est bon. Je vais commencer du chant. We're calling each other. One word can be easily said. No understanding or reason. Fear and confusion stay. We need hope for the future. Oh, everything's fine. Down the near, lost in the link of nines. If the sky keeps falling, when we come tumbling down, on southern years. Tell me, friend, can you imagine a place free? Oh, born the real lies, born the real lies. Oh yeah. Extra Benjamin, j'adore. C'est parfait, pour moi c'est nickel. Alors je vois pas ce que tu veux dire dans Meta Rhythmic Studio. Bon, la rythmique elle tourne ici, la batterie je l'entends, tu l'entends pas? T'entends pas la drame? Je comprends pas ce que tu veux dire. Après je suis pas capable de jammer au chant et de jouer du synthé à la fin. En même temps je suis pas assez bon. Le synthé je m'en sers un peu pour retrouver de l'harmonie quoi. Continue Benjamin. Karma, ce que tu peux faire, si tu te sens pas de jouer des boucles et de faire des changements de tonalité, tu fais des honorements. C'est-à-dire que de temps en temps, tu fais des petits phrasés dans l'harmonie. Ouais, mais si tu veux. Karma, moi quand il y a un synthé ou un bassiste, je fais pas la basse, c'est pas la peine. Sauf si Benjamin se fait à faire n'importe quoi, je lui dirais, mais sinon, moi quand il y a des musicos, je fais que la voix. Ah, là c'est du reggae. Hein. Justement, je veux. Non mais. Justement, le but c'est de jouer de la musique et pas de faire des boucles. C'est tout l'inverse que je veux moi. Moi ce que je veux c'est qu'on joue ensemble et je veux pas enregistrer des boucles. Pas du tout. Alors si t'as pas d'inspi, il vaut mieux que t'arrêtes. Et que tu laisses quelque. Voilà. Donc là tu laisses mettre. Ben, ce qu'il faut aussi dans le jam, il faut pas se sentir obligé de jouer tout le temps non-stop. Il faut savoir écouter. Le silence, ça fait partie de la mesure de la musique. Ouais. Tu restes sur une petite rythmique syncopée. Reggae, c'est très bien. Vas-y. Tu peux faire ça. Mais le but, c'est de jammer. Un peu de reggae. Par contre, il faut que tu partes sur le 1, Benjamin, c'est boucle. Ben, Karma, moi je t'écoute et il n'y a rien qui sort de ta traque. Alors, pour en parlant de grands changements, je te dis ça en tout respect. Donc. Benjamin! Benjamin, ouais, faut que tu partes sur le 1. C'est pas bon là, t'es pas calé. 3, 2, 1, go! Tin, tin, tin. Ouais, je te le fais, je te le cale. Je te le cale, écoute-moi. Non, t'es pas calé, stop, arrête-toi, Benjamin. Arrête-toi, t'es pas calé. Tu peux t'arrêter, Benjamin, s'il te plaît? T'es pas calé, on peut pas te jammer. Écoute-moi Benjamin. Écoute-moi, prends le temps. On n'est pas pressé. Je te le fais et tu te cales sur moi, ok? Attends, Benjamin, je te donne le truc. Voilà, c'est ça là qu'il faut que tu cailles. Alors moi, Karma, moi, je chante toujours dans la même tonalité, parce que les musiciens ne changent pas de tonalité. Moi je sais changer de gamme, je fais des transpositions, etc., etc. Mais déjà, si le premier musicien il joue pas dans le rythme, dans le tempo, on peut pas jammer. Donc si on peut pas démarrer le jam, si on peut pas démarrer le jam, comment veux-tu qu'on change de tonalité? Ah, on dirait qu'il y est là. Ouais, c'est bon, attaque, tu t'es calé. C'est parfait Benji, t'as chopé le rythme, nickel, etc., etc. Après, au bout d'une minute ou deux, il faut que tu changes de tonalité pour effectivement enrichir. Mais c'est très bien. Ouais, voilà, voilà. Voilà, là, et là, il faut que tu tiennes la mesure. Quand tu fais ton changement de tonalité, il faut que tu gardes, que tu tiennes la mesure. Voilà, et après tu reviendras. Voilà, ça... Et là, moi, je vais pouvoir changer de tonalité aussi. Mais tant qu'on n'est pas calé et qu'il n'y a pas un changement de tonalité des musiciens, il se passe rien. Voilà. C'est... Ouais, mais je vais t'aider. Je... Ouais, vas-y, si tu veux. Alors, ouais. Alors, attends. Quand tu cherches, je vais te donner un truc pour chercher. Trouve-toi la gamme, merde, merde. Ça commence en mi ton truc. Ah, il y a Crapouille. Crapouille joue super bien du piano synthé. Comment ça va? Benjamin, il faut absolument que tu apprennes les modes. Parce que là, tu peux pas changer de tonalité, et dès que tu connais les modes, tu pourras changer de tonalité très facilement. Là, le mode, je te le donne, c'est un mode de mi, un mode de mi mineur. Tu vois? Donc, quand tu joues tout ton premier riff, il faut que tu te trouves la gamme et après tu peux basculer, transposer sur chacune de ces notes, les 7 notes. Il faut que tu apprennes ça et après tu pourras faire des impros de fou. Parce que tu te démerdes, moi je trouve que t'es bon à la basse, au clavier, je trouve que t'es... Ça groove, quand tu joues ça groove super bien. Bus. voyage amer. Faut que tu baisses le level. Il aime pour toi, Karma. C'est un tout petit peu fort. Essayez de vous, d'ajuster vos levels sur la rouille et le reste. Vous voyez, ça se joue aux alentours de moins de 12. Et là, ça sera bon. Donc, ajustez vos levels vers moins de 12 décibels. Et là, on va pouvoir jammer. Là, pour le moment, c'est la souffle. Faire le mix. Un groupe, faire mix. Benjamin, dans le chaos c'est trop dur pour toi, tu fais des fondamentales et ça te permet de bon, écoute, c'est cool, t'as une femme. Donc Benjamin, essaye de trouver des fondamentales. Fondamental, c'est la première note sur le temps. Non ? Ah oui. Je vais t'aider. Bonjour. Bah, c'est pas évident, hein. next to you. When you play, I don't hear no more the other player. fix it. Ok? I'm gonna stop to stop the. Dessus, je les connais. Là, on est plus bon, c'est plus bon. Je repasse en 16. Par contre, à l'unisson, Benji, ton niveau, il est trop fort. Il est entre moins 6 et 0 décibels. Tu nous arraches les oreilles. C'est très bon ce que tu joues, mais il te faut un level comme les copains, moins 12. Et là, on peut jouer ensemble. Voilà. Après, il faut pas que tout le monde tout joue, tout le temps. Aussi, faut faire des pauses. Allez, c'est reparti, on va être bon. Et après les breaks, se décale, ça va pas. On reste en 16. Merci. assez bon, je trouve. Hein. Gets on beat. Oh, what you did it to you. Alors, Benjamin, please, quand tu fais des variations comme ça, garde la mesure. Si tu fais une variation et te dis, oh merde, elle est pas bonne, et que tu t'arrêtes au milieu, c'est pas bon. Même si elle est pas bonne, tu la tiens jusqu'à la fin de la mesure. Et après, tu rajustes, ok? Parce que sinon, tu casses le rythme, et ça, c'est... Tu casses la mélodie parce que tu veux changer de mélodie et après derrière tu casses le rythme. Donc casse que la mélodie mais tu vas au bout. Tu vas se dire que tu changes de mélodie au bout de la ligne. Voilà. Non mais. Alors Flip il est très intéressant comme musicien. Il faut prendre. Faut pas que tu prennes. Tu peux pas jouer le riff de Flip. Par contre, tu peux chercher une tonalité. Et si t'es assez rapide, tu pourras trouver les tonalités pour t'accorder avec lui. Flip, that's perfect, good riff, but could you start it on one? We can't really jump if we don't start on one. Krapuy is still out from here. Thank you. cette gare. Allez studio, vas-y lâche-toi. Allez. Yeah. Dédicace à Bilos et à Phil. Et je vous aime quand même, les mecs. Nous avons aussi un super clavier crapouille. Allez, crapouille! Je me suis mis sur la caméra, putain, voilà. Sur la caméra. Bonjour, je suis sur la caméra de Jeff Tabat. Ça marche bien. c'est la fête, studio. C'est la fête ce soir. C'est la fête. Benji, c'est la fête au village. Benji, est-ce que tu peux arrêter les pics à 0 décibels, s'il te plaît? Parce que moi ici, je joue avec du gros son. Tu me fais tout saturer. Règle ton micro sur les crêtes à moins 6 décibels, pas à 0. Parce que là, moi, je peux plus jammer. Tu me fais des crêtes. Tu me fais des crêtes et tu m'arraches les oreilles. Saturé, studio. Laisse un peu tout sature. Regarde, c'est marqué studio, c'est marqué pitch. Ça veut dire que tu satures en fait. Bon, je vous laisse me